de saluer les gens, là, j'aimerais juste qu'on mette un peu de schizo dans le mot pod. Fait qu'un petit 5 secondes de. Ah ouais, tout le monde ensemble. Schizo! Ok, ça fait du bien. Hey, salut à tous! Comment ça va, les schizo? Comment ça va? C'est schizopod numéro 11 déjà. Ben, 11, comme ça, coucouillez-vous. Au micro, moi, Christian Jaudoin, lui, Marc Jaudoin, puis l'autre, Marc Latremouille. C'est qui, ça coucouille vous? Numéro 11 du Canadien de Montréal, quand il jouait pour le Canadien de Montréal, le capitaine Sakoukouaïvou, cancer à l'œil. Il avait un cancer à l'œil. Sakoukouaïvou. Ils ont enlevé? Numéro 11, oui. Oui, t'es correct. Hey, vous êtes dans l'an du n'importe quoi, où ils trouvent de tout, même quelqu'un qui pourrait se mettre à faire la poule ou parler de façon incompréhensible en dormant debout, car aujourd'hui, on va essayer de rencontrer ou kidnapper Éric Normandin, aka Mesmer. Pourquoi qu'on a décidé de le kidnapper? Toi, t'as cette idée? Ouais, je pense que oui, il y a eu une très grande influence. À un moment donné, il était plus ici, Mesmer, hein, il était à Washington. Je te le dis, c'est grâce à lui que Donald Trump a pu hypnotiser la moitié des Américains pour pouvoir voter pour lui. Pas la moitié des Américains, la moitié des Américains n'ont pas été votés. Ah, ok, le quart d'abord. Ouais, c'est ça. Ben, moi qui pensais qu'on devait l'utiliser contre Trump, toi, tu l'as vu, ça liait à lui. Mais Bon, mais comment qu'il fait ça, puis c'est quoi dans l'hypnotisme? Moi, je crée pas à ça, bon. Éric Normandin, de son vrai nom, est né en 1971. Bref, il pratique l'hypnotisme et son nom est issu de Franz Anton Mesmer, si je me trompe pas, qui est un Autrichien qui a pas été le premier pratiquant d'hypnotisme, mais qui l'a pratiqué notamment pour des raisons thérapeutiques, générant deux camps, le pour et le contre, ceux qui étaient contre ses actes et ceux qui étaient pour. Mesmer, l'hypnotiseur, le Québécois, lui, un petit peu plus de tenants de ces frasques scéniques spectaculaires en hypnotisant les gens. Hypnotiser les gens, il y a 15%, entre 10 et 15% des gens qui sont hypnotisables de façon efficace. C'est et d'un autre côté, ouais. Et d'un autre côté, il y a entre à peu près 10% de gens qui sont pas pantoute hypnotisables. Puis quand on peut hypnotiser quelqu'un, ça veut pas dire que la personne est juste plus épaisse que les autres. Puis l'entre deux, c'est quoi? Sont des fois hypnotisables, des fois non, pas. Non, ceux qui sont hypnotisables, 10-15%, c'est ceux qui sont, on peut vraiment faire des choses avec eux autres assez efficaces. Par exemple, Mesmer, il a fait un spectacle au Centre Bell devant 5 à 6 000 personnes. Il a réussi avec son, je vais vous l'expliquer après, il a réussi à hypnotiser dans son test préalable, 476 personnes, quelque chose comme ça. Son test préalable, c'est qu'il commence par demander aux gens de coller leurs mains ensemble. Ah oui, je l'ai fait. Puis de faire quelque chose avec les doigts. Avec les deux doigts, tenir les deux doigts serrés, les deux index. C'est les index, ça, les doigts qui pointent? Ouais, c'est les index. Donc, on croise les mains ensemble, puis on met les deux index un à côté de l'autre, puis il dit, OK, maintenant, vos doigts sont collés entre eux. Vous pouvez pas les séparer. Vous pouvez pas. Ils sont vraiment collés. Maintenant, vous allez essayer de les décoller. À trois, essayez de les décoller. Puis ceux qui sont pas capables de décoller, ils regardent dans l'assistance les personnes qui ont le plus de difficultés à les coller. Ils les choisissent. Donc, c'est le test préalable. Il fait venir sur stage. Il fait deux, trois autres tests. Puis il élimine pour qu'il reste à peu près une dizaine de personnes sur stage. Il peut pas faire n'importe quoi au monde. Il les contrôle pas. Il fait juste leur suggérer. Puis en passant, l'hypnotiste, tout le monde le fait à tous les jours sans s'en rendre compte. L'hypnotiste, c'est un état second. C'est l'état qu'on a quand on va se coucher le soir pour qu'on est à moitié lucide pas à moitié endormi. Ouais. Par exemple, quand tu fais ta vaisselle, puis tu t'en vas ailleurs, t'es hypnotisé. Toi-même sans t'en rendre compte. Il y a des gens qui vont conduire de leur job à chez eux. Tu vas leur demander, puis c'était comment? Je veux... Bon, je me souviens plus, qu'est-ce que j'ai fait dans mon trajet, moi? Ça m'arrive. Ils sont hypnotisés. C'est dangereux aussi, mais ça m'arrive. Ouais. C'est dangereux. Bref, il y a deux types d'hypnotisme. Ça, on pourrait dire l'hypnotisme scénique et l'hypnotisme thérapeutique. Thérapeutique qu'on va utiliser notamment en psychologie pour faire ressortir les mauvais souvenirs des gens pour essayer de guérir de leur passé traumatisant. Par exemple, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent maigrir ou des choses comme ça. Les différents traumatismes, les phobies aussi. Puis l'hypnotiste scénique, Mesmer, qui a percé en France. D'ailleurs, il était au Rex à Paris en ce moment jusqu'au 5 mars, je crois. Donc, il performe encore. Ses spectacles ont fait fureur au Québec. Il a commencé, je crois, en 2010 à commencer à faire des spectacles. Au Centre Bell, oui, en 2010. Puis à chaque fois, c'était à guichet fermé, puis il était obligé de faire, comment on dit ça, refaire un autre spectacle après, là, des rappels, là. Ouais, ouais. Supplémentaires. Il était obligé de faire des supplémentaires à chaque fois. Donc, il peut avoir une certaine fraude. Je vais terminer avec ça. Il peut avoir une certaine fraude avec l'hypnotiste scénique, dans le sens que ses victimes, parfois, sont pas à 100% hypnotisées. Dans le sens qu'il y a une notion, il y a un terme que je me souviens plus, de scène, qui fait que les gens vont embarquer dans le mouvement de ce que l'hypnotiseur va leur suggérer parce qu'ils sont devant plein de monde. Les stars, par exemple, qui sont hypnotisés par Mesmer, tombent beaucoup dans ce piège-là, ou comme les grandes gueules, il y en a même un qui l'a dit, c'est que comme il est devant du monde, il sait qu'il est hypnotisé, il est hypnotisé genre à 60%, 50%, mais il va comme embarquer encore plus dans le fait, genre, hey, il me dit que je suis en train de dormir puis qu'il y a une mouche qui m'agresse, ben qu'est-ce que tu dis pas, quand je vois, il y a une mouche, mais il est conscient de son geste, puis il va y aller encore plus. Il y a aussi le fait de l'autorité. Il y a des gens qui seront pas tout à fait hypnotisés, puis sur scène, quand il va leur suggérer de faire telle affaire, parce qu'il y a des gens plus soumis que d'autres, ils vont le faire sans se poser de questions et ils seront pas à 100% hypnotisés. Donc, il y a tout le temps une notion de la participation de la victime hypnotisée, parce que l'hypnotiseur peut rien faire si l'hypnotisé n'est pas d'accord. On peut rien faire sans son consentement. Autrement dit, tu peux pas dire à quelqu'un qui hypnotise, va te tirer une balle, c'est impossible. L'instinct de survie, l'inconscient qui est jamais hypnotisé. Va faire un hold-up pour moi, non plus. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Sauf si c'est un voleur, puis il l'a déjà fait. Okay. Mais il va le faire. Puis qu'est-ce qu'il y en a des mots de commande, là? Tu sais, des fois, supposons, dès que je vais dire basketball, ben, c'est à ce moment-là que tu vas te baisser les culottes. Mm-hmm. Parce que, il y avait une fille, une journaliste, là, puis elle, c'était genre, quand il l'a hypnotisé, ben, il n'y a pas un mot de commande, mais il a dit, quand tu vas aller demain au spectacle de tel humoriste, à un moment donné, tu vas te lever devant tout le monde, puis tu vas commencer à l'engueuler. Puis ça a été filmé, puis elle l'a fait. Je sais pas si tu peux hypnotiser quelqu'un aussi longtemps que ça, là. Ça aurait quoi, elle a été hypnotisée pendant de nombreuses heures, genre pendant 12, 13, 14 heures. Ouais. Elle va se coucher chez elle. Puis ça, j'étais un peu sceptique. Ça sent un petit peu le spectaculaire, sensationnaliste, là. J'étais un peu sceptique. J'ai vu une émission, avec lui, un spécial, Mesmer, mais c'était pas justement, il est peut-être pas hypnotisé, mais c'est quand il dit ce mot-là, là, pff, l'hypnose rentre en... Ouais. Rentre dans cette personne-là. Ben, là, elle devient hypnotisée. Par exemple, Claude Legault, à Tout le monde en parle, c'était le chiffre 7. Il avait dit un mot-clé, puis il avait dit, quand ce mot-clé-là, quand je vais dire le mot-clé, le chiffre 7, tu vas l'oublier. Tu sais plus, tu ne sais plus le chiffre 7. Claude Legault, il dit, OK, maintenant, compte jusqu'à 10. Le Claude Legault tombe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqué. Donc là, il monte ses doigts. OK, regarde. Combien t'as de doigts, là? 4, 3, il monte ses doigts. Là, il y a le Claude Legault à ses mains devant lui avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqué. Puis il venait faire la promotion de son film Les 7 lois du Talion. Il demande à Logo, c'est quoi le titre de ton film? Talion. Il était pas capable de dire le chiffre 7. Donc l'hypnotiste, ça reste encore beaucoup de chercheurs sont encore en train de travailler sur l'hypnotiste. On ne nie pas le pouvoir de l'hypnotiste. Donc le pouvoir existe. Le pouvoir, c'est peut-être un grand mot. Mais encore une fois, on connaît pas à 100% les raisons de l'hypnotiste. Je vais terminer juste avec un cas assez particulier que j'avais vu dans un cours de parapsychologie à l'UQAM. Parapsychologie, qui est une science qui a de la valeur, en passant pour en reparler, mais bref. C'est quelqu'un qui avait hypnotisé une personne qui tenait un stylo dans ses mains, puis ça devait être quelqu'un qui était particulièrement influençable et facile à hypnotiser, parce qu'il a dit le stylo devient de plus en plus chaud. Il devient brûlant. Le stylo, là, est rouge. Rouge, mais je veux que tu continues à le tenir. Je veux que tu continues à tenir le stylo. À tenir le stylo. Vas-y, tiens-le. Mais là, il est vraiment brûlant. Lâche-le. Là, la personne l'a lâché, et dans sa main, elle avait des traces de brûlure. Donc, l'hypnotiste peut faire des effets de brûlure sur... je veux dire, des effets physiologiques, semble-t-il, sur la personne. Weird shit. Attends une minute. Donc, c'est ça. J'ai eu une petite pause. En tout cas, ben moi, je trouve ça assez puissant. Fait que, ben moi, si on kidnappe Mesmer, moi, j'y dirais... Je le prendrais par le collet, puis je disais, hey, au lieu de remplir des salles de poissons, puis de faire le mouton sur leur dos, ça te tente pas d'utiliser tes super pouvoirs pour combattre le crime et rendre le monde plus meilleur? Non, mais cette idée-là est venue justement... C'était drôle. D'un... Ben, c'est pas drôle, c'est vrai. C'est sérieux. Non, c'est venu d'un livre. Ceci n'est pas un lapin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est écrit par deux professeurs et une journaliste. Puis le sous-titre est assez clair. Hein? Le sous-titre du livre, c'est « Quand les neurosciences dévoilent les secrets des magiciens qui bernent notre cerveau ». Là, là-dedans, il parle de tours. Il y a certains magiciens qui décident d'expliquer des tours malgré, bon, l'espèce de, d'Omerta. Ah, c'est comme le magicien masqué, là, qui dévoilait tous ses tours. Ouais, il y a un peu, c'est ça, on dévoile un peu. Mais j'avais une question à toi, monsieur Latrémouille. Oh. Selon toi, quelle est l'explication du fameux tour du fakir dont la corde indienne se déploie et durcit pour lui servir ensuite d'échelle? Ça dit-tu quelque chose? Tu sais, là, la corde qui est raide. Tu ris, mais j'ai jamais vu ça. J'ai juste vu en dessin animé. Qui fait que ça dit rien? Oui, non. Ben, ok, ça dit quelque chose. Ouais, je sais quoi. Okay. Mais j'ai jamais vraiment vu. Ben, ça tombe bien parce que ce tour-là n'existe pas. Bon. c'est ce que j'avais dit. C'est ça, ouais. C'est ça, me semblait. Parce que c'est ça, c'est un mythe. Mais ce qu'on apprend dans le livre aussi, c'est que, ouais, c'est ça, c'est pas juste le magicien qui nous embobine, hein, mais c'est notre cerveau nous joue des Christie du vilain tour. Okay. Puis justement, j'avais vu, attends, page 115, je vais lire un petit extrait, ça s'appelle, puis en même temps, c'est un petit conseil que je donne aux gens, les capacités multitâches. Vous pensez pouvoir envoyer un SMS pendant que vous conduisez? Écouter de la musique pendant que vous payez une addition au restaurant ou envoyer des tweets pendant que vous regardez un match de football à la télévision? Ben, d'après ce qu'ils disent, les recherches menées depuis 10 ans ont montré que la capacité multitâche, c'est-à-dire la possibilité de faire plusieurs choses en même temps, est un leurre. Donc, même pour les femmes. Donc, c'est tout? Ben, multitâche à partir de 2 et plus? Ben, ça a l'air. Ben, je doute beaucoup de ben, ça. Mais je sais pas, moi, ça me permet de me concentrer sur une action parce que c'est vrai que c'est difficile. Tu sais, c'est sûr que tu peux t'habituer, je sais pas moi, à lire. Mais tu sais, essaye de lire, puis en même temps, c'est sûr que tu peux lire pendant que tes enfants jouent dans le parc, puis tu peux garder un œil ouvert, tu sais, pour les regarder, puis porter une attention à eux. Mais... Enfin, en tout cas, fais des exemples. Que j'ai déjà essayé tests. Lire et regarder la TV en même temps. C'est assez tough. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que le cerveau ne peut se concentrer qu'une seule chose pour être efficace à 100%. Okay. Tes petites tâches, c'est que tu as plus de chances de faire des erreurs. C'est peut-être ça, peut-être le mot efficace. Parce que je sais qu'à job, il faut que je code des codes postaux. Et en même temps... que je me concentre là-dessus, mais je suis capable de faire autre chose en même temps. Des fois, je parle à quelqu'un tout en code. Mais ça, c'est peut-être l'habitude à un moment donné, parce peut-être. Que j'avoue, moi aussi, j'ai pu écouter, j'écoute ma musique, j'écoute les podcasts, puis en même temps, je trie, ça devient machinal, tu sais. Ouais, mais ironiquement, justement, si vous faites juste ça, là, sans rien d'autre pour vous penser à d'autres choses, whatever, vous faites juste ça, il n'y a pas des chances aussi de faire des erreurs. Si tu te concentres juste là-dessus, ben oui, c'est ça. C'est sûr. C'est ça que le cerveau est fait de sa coche? Ben, pas juste ça. Tu parlais d'hypnotisme. C'est entre être endormi et entre éveillé. Là. Mais à un moment donné, quand tu fais juste le même mouvement, là, tu tombes dans cette hypnose-là. Entre l'endormi et être réveillé. À un moment donné, tu as toujours fait la même chose. Oui, tout à fait. T'es comme plus là. Oui. Fait que bref, dans ce livre-là, je vais juste rapidement faire un petit résumé de ce qu'on y retrouve, parce que on parle beaucoup aussi du cerveau, ça, des études aussi, ça, j'ai comme lu ça en diagonale, ça me gossait un peu, je trouvais ça trop... c'était bon pour les trop nerds. Technique. C'était pour les nerds. Moi, j'aimais ça. C'est... Moi, j'aimais bien quand les magiciens faisaient des tours, et après, pouf, on avait l'explication. Mais aussi, bon, c'est ça... À la fin du livre, justement, il y a comme un petit résumé en différents points. Donc, c'est ça. Les magiciens savent que les activités multitâches sont un mythe. Donc, ils vont utiliser ça. Ils vont utiliser la stratégie du diviser pour régner avec l'attention. Donc, ils amènent ton attention à quelque part. Ouais. Et tu es... quand tu es divers... va faire diversion. Ben, tu sais, c'est comme si en amenant ton attention à quelque part, il fait diversion et son autre main peut faire quelque chose. T'sais. Comment en ce moment, toi, ton cerveau, il est en vacances déjà, que t'essayes d'expliquer ce livre-là. Ouais. Ça va dans les Caraïbes, le sale. Non, j'explique très bien, c'est tout, tu comprends pas. Non, mais un exemple, c'était par exemple le magicien qui va serrer la montre de quelqu'un très fort à son poignet pendant qu'il est en train de lui parler. Puis là, après qu'il ait serré très fort, en le parlant, il tient par le poignet, puis il y a une montre, puis il serre très fort la montre. Là, il parle, il continue à parler, puis pendant ce temps-là, il va y enlever sa montre. Mais comme il a serré sa montre sur son poignet, la peau a encore la pression de la montre. Donc, la victime ne sent pas que sa montre est partie, parce que la peau, le corps a encore une sensation de pression sur le bras. Mais l'autre bras aussi, qui touche l'épaule, genre, fait aussi, aussi quelque chose à jouer, parce que c'est vraiment physique. Comment qu'il va mettre la main sur l'épaule? Ben, cette partie-là a l'attention, alors que il peut faire son pickpocket ailleurs, puis l'autre, il s'en rend pas compte. Fait que la même chose, les magiciens vont jouer avec la mémoire qui est faillible. Et que plus il se passe de temps entre l'acquisition d'un souvenir et son rappel, moins il sera précis. Fait que si au début de son tour, le magicien peut faire quelque chose en espérant, puis c'est ce qui arrive souvent, que le public va oublier ce qu'il va avoir fait, puis ça va être utile pour justement faire son tour de force. Il peut mettre quelque chose, puis bon, il peut faire une blague, puis bon, je suis pas clair pas tout, non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. C'est clair. Ouais, ouais. Même si les magiciens font des erreurs tout le temps, ben c'est ça. Même si les magiciens font des erreurs, la plupart du temps, les victimes s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte pantoute parce que nous autres, on est stickés sur quelque chose. Le magicien, souvent, il va agir d'une façon professionnelle. Il va jouer avec l'erreur, puis les gens n'y verront que du feu. Il y a même des magiciens qui vont donner le truc de leur tour de magie au spectateur, mais dans la légation du truc, ils vont fourvoyer encore plus les spectateurs en montrant quelque chose d'autre qui va faire que les spectateurs vont encore être encore plus fourrés par le tour de magie lui-même, je sais pas. Ça, c'est Penn and Teller, c'est deux, un duo de magiciens là, qui sont super bons à Las Vegas, je voulais aller les voir, mais finalement, je les ai pas vus. Mais ça, c'est leur style. Ils font un truc, ils montent le truc, quand dans le fond, ah, tu dis ok, puis là, après ça, ils le refont, puis ils font autre chose, puis tu t'es complètement fourré. C'est ça. Ils sont vraiment forts là-dessus. Ouais. Mais ouais, pis c'est ça, puis l'autre fois dans un des premiers podcasts justement là, t'avais parlé du livre, puis j'avais dit est-ce qu'il parle du Ouija dedans, t'avais dit oui c'est ça, il en parle, puis c'est l'idéomoteur, mais l'autosuggestion qu'on aussi, appelle, puis c'est justement c'est ça, c'est tu sais, ça va bouger, tu vas poser une question, est-ce que Kevin m'aime, puis là ça va aller vers le oui, je t'ai dit ça a bougé tout seul. Ben, mettez un bandeau. Exactement. Puis vous allez voir que ça va peut-être pas écrire oui, ça va peut-être écrire Romosimerskasi. Ça va bouger, mais il n'y a aucune explication. Puis, mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est pas nécessairement au niveau de l'analyse neuropsychologique, neuroscientifique de la prestidigitation, mais c'est aussi la magie dite mentaliste. Les magiciens qui vont utiliser les trucs, par exemple, en essayant de suggérer des réponses à tout un auditoire ou à essayer de trouver une réponse à travers tout un auditoire. Ça, je trouve ça fascinant. Par exemple, Luc, comment il s'appelle notre magicien québécois, là? Luc Langevin, le fait dans son spectacle, il y a un petit passage mentaliste style. Puis ça c'est fascinant parce que ça joue avec la psychologie sociale, la psychologie du groupe, puis ça ne fonctionne pas nécessairement à tous les coups, puis c'est pas vraiment un truc de magie en tant que tel, c'est tout simplement l'exploitation de la psychologie sociale d'un groupe. Marc Latrémouille, ça te tente de sauter du coq à l'âne? Ben oui! Mon orgasme et mon marasme de la semaine. Ou parler de quelque chose d'autre, ça peut être l'orgasme de suite. On va y aller avec tout de suite. Oui. L'orgasme? Ouais. Bon, ben alors, c'est le temps de l'orgasme et du marasme. Ce qui nous a fait jouir et ce qui nous a écœuré les deux dernières semaines. C'est un drôle d'orgasme que j'ai en ce moment. Parce que je vais faire une vignette de moi-même, c'est-à-dire triper ces déclarations des coachs sportifs et peut-être même des journalistes sportifs. Marc-André, il vient juste de dire, pour ceux qui comprennent rien, il va faire un Olivier Niquette. Olivier Niquette, c'est lui qui fait des chroniques dans « La soirée est encore jeune ». Superbe émission, vraiment drôle, les nouveaux RBO, si on peut dire. Je pense que oui. Puis Alvin Kett, lui, c'est ça, il va chercher des extraits un peu partout, puis il fait passer du monde pour ben des caves. Il fait passer ben du monde pour des caves. C'est déjà à télé, ça? À radio. Non, c'est à radio. Ouais, c'est à radio. Mais à TV, à RTV, le dimanche soir, à 7h, Mais c'est pas RBO, c'est pas des sketchs, c'est une émission de radio, puis ils font des chroniques, mais ils sont vraiment puissants. Ils parlent surtout de l'actualité, ou... En gros, c'est ça. Ouais. Mais bref, c'est-tu dimanche soir que le Canadien de Montréal jouait contre les Oilers d'Edmonton, puis ils ont gagné, puis là, j'entendais le coach Terrien parler après la rencontre. Je sais pas quel joueur qui parlait. Il disait, ouais, il était blessé. Ben, il a démontré qu'il avait du caractère. Puis, il avait bien du caractère. Puis moi, je suis tanné d'entendre, ça me fait triper d'entendre ces coachs-là tout le temps dire la même chose. Le mot caractère, combien de fois qu'on l'entend? Puis on dirait qu'ils disent le mot caractère parce qu'ils savent pas quoi dire d'autre, donc ça a l'air vraiment brillant, je vais dire caractère. Donc, je vais continuer à dire caractère parce que caractère est caractère. Ah, non, je suis un peu tanné d'entendre ça. Ton marasme, c'est ton orgasme. Ça, c'est mon orgasme. Ça a pas l'air d'un orgasme, mais c'est... Mais où l'orgasme? C'est fou, c'est plaisant à entendre parce que je ris d'eux, je dis ça n'a pas de bon sens à parler de même. Mais moi je trouve que à un moment donné justement à l'émission La soirée est encore jeune, il faisait passer des extraits de Marc Bergevin. Ouais. C'était horrible comment il parlait. Puis il y a une fille, en tout cas, une fille, elle dit ça n'a pas d'allure, ces gars-là devraient prendre des cours. Mais moi, je dis que le problème est pas là. On devrait peut-être Marc Bergevin, oui, parce que c'est le directeur général. Mais Claude Julien, lui, c'est l'entraîneur des Canadiens. Moi, je pense que le problème est pas, c'est pas lui son problème. Le problème, c'est justement nous, les spectateurs et les journalistes qui veulent absolument faire une conférence avec cet homme, puis on sait qu'il va dire des conneries. Ouais. Pourquoi c'est pas coupé ça dans le champ? Ben, il dit tout le temps de m'affaire, puis il sait pas s'exprimer. Il va résumer le match. Dans l'hockey, c'est pas des débiles ou quoi? À chaque fois, je vois un entraîneur d'une équipe de hockey parler, c'est à chaque fois, on dirait qu'il a pas fini sa première année, puis il manque une case, ils sont tous épuisés. Oui, étonnamment, là, puis ça n'a pas rapport avec ce que je pense des Québécois, des francophones, des anglophones. Quand j'entends les Anglais parler, j'ai trouvé plus cohérent, puis on dirait qu'on l'air moins débile. Je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. J'entends souvent des joueurs de hockey, ils se font interviewer en anglais, puis tu as raison. On dirait qu'ils ont l'air moins débile. Question en français, c'est quoi? Je sais pas. Ils ont de la misère. Peut-être parce que... Attends une minute. Peut-être parce que c'est un milieu, même au Canadien de Montréal, partout, là, ça parle juste en anglais, pour pouvoir communiquer entre tous les joueurs, entre les Russes, entre les Tchèques, entre les Suédois. Ça, c'est la langue d'usage chez l'anglais. Même Claude Julien, qui parle tout le temps anglais. Hey, tantôt, j'ai dit terrien, je pense. Okay. Je voulais dire Claude Julien. C'est ça. Ça, c'est mon orgasme. Mais aussi, j'ai aussi un petit orgasme pour la journaliste Chantal Maccabée, qui a résumé la partie contre les Oilers d'Edmonton en disant que le Canadien de Montréal a retrouvé leur détermination. Puis je trouve que ça tombe dans le cliché, dans la facilité, parce qu'ils ont pris des cours de journalisme. Eux autres, pourquoi ils sont toujours... On dirait que le langage des coachs de hockey, c'est un anglicisme, des entraîneurs de hockey déteint sur les journalistes de tomber dans la facilité et de dire des banalités. Bref, c'est mon orgasme. Je veux dire, d'accord, t'aimeras pas, là. Mais ah ouais, oui, non. Quand j'écoute un entraîneur, un chant, ou un joueur de hockey, pour moi, c'est comme j'entends un politicien. Ce qu'il dit, c'est rien. C'est fade. Je l'écoute parler, puis je dis... Tu dis, j'aimerais pas ils ça. Ils nous prennent pour des... Non, mais est-ce que t'aimes pas ça quand la politique, on crache dessus la politique? Tu peux cracher dessus, okay. Ça me fait rien? Ben, c'est ça, mais c'est ça. Pour moi, c'est rien. Puis honnêtement, je trouve ça... Ça m'étonne que des gens... qui sont intéressés, qui sont devant leur téléviseur, puis ils disent, Claude Julien, c'est vrai ce qu'il dit, c'est pas fou. Ce qu'il dit, ben oui, toi. Il y a peut-être 90% des spectateurs qui sont calistes, mais les journalistes l'imposent pareil. Peut-être. Il y a vraiment un sondage. Est-ce que ça intéresse vraiment un Québécois entendre quelqu'un qui dit quelque chose que personne comprend? Ouais, c'est peut-être juste du remplissage, puis les gens. Je pense que oui. C'est là pour aller pisser pendant ce temps-là. Il y a TVA Sport, il y a TVA Sport 1, TVA Sport 2, RDS 1, RDS 2, RDS Info. Après ça, il y a l'anglais TSN 1, 2, 3, 4. ESPN. Je te jure, ça s'arrête pas, là. Il faut vraiment remplir ce temps d'antenne-là. Du pain et des jeux pour mieux les endormir. Tu parlais des politiciens, ça me fait absolument rien de parler contre eux, mais j'aime ça, la politique. Mais mange la barre des politiciens. Je devrais peut-être pas aimer ça parce que ça m'enrage souvent quand j'entends des niaiseries. Je fais tabarnak. Ouais. J'ai le goût de sacré de. Ben parfait, t'es dedans. Dis-moi ton marasme, là. Puis mets-y du cœur. Ben moi, marasme, c'est simple. Je suis écœuré des tempêtes de neige au mois de mars. C'est fait pour fondre le mois de mars. C'est fait pour faire du bicycle, sortir son vélo. Voilà. Hey, mon fini les tempêtes. Chien. Il y a tout le temps, moi, c'est mon orgasme. Ben, j'ai été pogné dans la tempête. Il y a tout le temps une dernière quasiment. Tempête au mois de mars, c'est même vrai. En avril. Oui, c'est vrai. Puis, ça a 13 quasiment là. Tu es parti du recours collectif? Non, je partais de la rive nord. OK, je prenais la 13. Puis là, rendu à la section de prendre la 40, il était 10h30 le soir, rendu à la section de prendre la 40 direction est, ça bloquait là. Tout le monde, la 13 qui était arrêté, là, ça arrêtait là, où est-ce que je prenais la sortie, je fais, une chose, était pas bloquée, la sortie. Okay. Là, je l'ai pris. Là, d'un coup, ça commence à ralentir. Quand je suis parti de chez nous, c'était pas si pire. Mais c'est quand j'ai commencé à pogner le premier pont, là, j'ai vu une voiture arrêtée, abandonnée, sur le pont de la 13. Il était tout seul là, puis les déneigeuses qui a passé avant avaient tout enterré la voiture comme si c'était un char stationné dans les rues de Montréal. Puis là, j'ai continué, puis là, après ça, c'est ça. Là, je suis rendu, c'est à 40. Là, je prends la voie de service pour me rendre à la job. Là, ça ralentit au bout. Là, je fais, OK, ça marche pas. Là, ça roule au ralenti. Dans la sortie de l'autoroute 40 pour embarquer sa voie de service, il y avait deux chars d'arrêté, pogné dans la neige. Là, je suis rendu sur MacArthur pour tourner vers le sud sur MacArthur. Il y a une grosse vanne de 18 roues qui est là, arrêtée, un gros camion FedEx qui bloque tout. Pas le choix de continuer jusqu'à la prochaine rue, la rue Locke. Même chose, trois gros 18 roues d'arrêté qui bloquent la rue. Je dis, va continuer jusqu'à Cavendish, jusqu'au Ikea, que juste là, arrête là, bloqué, jamais. Là, je fais, aïe, aïe, ok, ça avance pas, c'est une vanne qui bloque tout le monde encore. Fait que je vais continuer jusqu'à la prochaine rue. Je suis rendu en dessous du viaduc Cavendish. Je continue à passer Ikea. Puis là, ça l'a jamais là, ça l'a arrêté là. J'ai été bloqué pendant une heure et demie à cet endroit-là. Puis c'était bloqué là, c'était bloqué. Je regardais sur mon téléphone, là, ces caméras de circulation. Ça bloquait partout en arrière, ça s'accumulait, là, les voitures s'accumulaient. Ça bloquait jusqu'à la sortie de la 40 que j'ai pris, jusqu'à sur la 13 que j'avais pris. Puis en avant de moi, c'était complètement bloqué. Puis pour embarquer ça à 40, puis embarquer ça sur la voie de service, le monde prenait ça à l'envers pour sortir de là. Mais c'était arrêté complètement. Mais ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Ben ça n'a pas rapport. Mais finalement, c'est les policiers de Montréal. Merci à la police de Montréal d'être venus et d'avoir poussé les voitures. N'oublions pas qu'il y a un policier qui a donné une étiquette à un autobus qui était pogné dans la neige parce qu'il bloquait la circulation. Hein. Oui, okay. Mais la problème avec Marc, c'est que un policier, pour lui, équivaut à tous les policiers. On va prendre un prochain appel, Marc Jodoin, un orgasme. Mon orgasme, moi, c'est la tempête de neige. Moi, j'ai pas de char, je pollue pas la planète. Puis le lendemain, l'école était de mon kid était fermée, mon cégep était fermé. Puis on était très contents, mon kid est venu me rejoindre en bas. Voyons, papa, maman n'est pas levée encore. Non, Roman, parce qu'il n'y a pas d'école! À 9h, on était prête, on est allé se promener dans la ville. Il y avait des petits monticules avec des petits miroirs qui s'étaient à ses côtés. C'était vraiment drôle. Notre rue était pas déneigée. C'était génial. C'était silencieux. C'était magique. Il y avait quelque chose de spécial. Puis voir toutes ces rues-là pleines de neige, là. Pas de char. C'était magique. Ouais. Non, moi aussi. Moi, j'ai un char, mais je travaille tellement pas que rarement je vais être affecté par les tempêtes de neige. Fait que c'est super cool. Moi aussi, mon char, je peux le laisser là, ben des jours avant de déneiger. Fait que, ouais, très beau, tu plains les tempêtes. T'en as même pas eu de neige cette année. Souvent, c'est des automobilistes. Souvent, c'est les automobilistes qui chiolent. On parle de toi. J'en suis un. On parle de l'autoroute 13 qui était bloquée. Mais la 40, la voie de service de la 40 était bloquée. La 520 était bloquée. Ça, c'est pendant 3-4 heures. Je crois qu'on stocke toujours sur la 13. Ben, peut-être t'aurais dû mettre des skis de fond dans ta valise. Non, j'ai mis une pelle. Tu voulais glisser sa pelle. À ton âge, tu vas mourir. Mon marasme, c'est la gestion. Parce que si, même si j'ai pas de char, je peux être quand même empathique pour certains automobilistes, même si en général je les haïs. Merci Marc. Ça a été la gestion qui est arrivée notamment sur l'autoroute 13. On parle juste d'elle, mais il y en a eu plein d'autres, comme tu dis, Marc. Ça a été fait par des amateurs, des gens irresponsables, des gens qui n'ont pas réfléchi, même, je dirais, des gens presque avec une réaction à la limite du criminel, parce qu'il était au courant qu'il y avait des gens qui étaient stockés sur l'autoroute. Ça a duré des heures et des heures, pour certains jusqu'à 10 et 13 heures. Là-dedans, t'as des putains de familles avec des enfants. Et c'est qui? C'est des gens qu'on a élus. C'est qui coupable, selon vous? Les électeurs. Non, mais je parle de coupable par rapport à... qui c'est qui dormait au gaz, comme Coderre dit, là. Mais tout le monde se lance la putain de balle. Ouais. Il en fout une dehors temporairement avec salaire pour faire ma gueule probablement à la CAQ. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Coderre a sa part de responsabilité. La SQ a sa part de responsabilité. Il y a eu un manque de communication. Ou je dirais plutôt qu'il y a eu un manque d'intérêt. On s'en calisse. L'affaire, là, c'est que quand le ministre arrive, par exemple, le ministre du Transport, okay, il connaît peut-être pas tout l'organigramme au complet, comment déclencher un état de crise, puis tu passes par là. Lui, il suffit, je pense, aux hauts fonctionnaires, que juste en dessous de lui, pour passer la balle à ceux qui sont plus bas. Quelqu'un qui connaît vraiment l'organisation du ministère du Transport, ou bien l'autre, le ministère de l'État de Sécurité publique, là, quelqu'un qui est au pouvoir, devraient savoir comment tout fonctionne, alors que d'après moi, ils ne savent pas du tout comment tout fonctionne. Non, mais en même temps. Comment déclencher un état de crise? Le ministre des Transports, c'est pas le fureur des transports. Il faut qu'il y ait un organisme qui, dès qu'il y a un moment de crise, déjà, ça faisait une semaine qu'on savait qu'il allait y avoir une putain de tempête, bordel. C'est vrai, ça. C'était complètement inacceptable. Il y a deux gros 18 roues qui bloquaient la 13, il paraît qu'ils n'ont pas voulu se faire tower, hein. Ça, vous le saviez. Qui ont pas voulu se faire remorquer. Ouais. Faudrait voir. Ben là, je sais que Monsieur Couillard, le sauveur du Québec, a prévu une enquête interne. Ben moi, je suis d'accord. C'est jamais gratuit, une enquête interne, okay, en passant. Ça coûte de l'argent. Moi, je suis d'accord avec ces camionneurs-là. Oui. Non, ben, je veux dire... Pourquoi ils voulaient pas être towés, puis pourquoi t'es d'accord? Ben, on sait pas encore. Ça coûtait 2000 piastres se faire remorquer. puis c'était eux qui auraient payé la facture. Il dit non, on n'a pas à payer ça, là, nous autres, là, c'est déneigé devant nous, puis on va se débloquer. Ouais. Là. OK, ben on va passer à notre appel. Moi, c'est mon marasme et mon orgasme. Mais juste avant, juste faire un petit retour. Hein, j'ai oublié de faire le retour au podcast il y a deux semaines parce que on voulait chercher Zorro. Oui. Vous rappelez? Oui. Ben c'est pas Zorro. Ben oui, c'est Zorro qui est apparu, mais c'est Gael García Bernal. L'acteur mexicain qui est apparu, tu voulais en parler, mais t'as oublié. Parce que l'acteur mexicain nous a annoncé qu'il était le nouveau Zorro, qu'on allait pouvoir le voir prochainement. Oui, mais Zorro post-apocalyptique. Non, c'est ça, le film ça va s'appeler Z. Et dans un futur post-apocalyptique, comme tu dis. Puis c'est réalisé par Juan Cuarón. Oui, il a réalisé quoi encore? Non, ben lui a scénarisé. Gravity. C'est encore avec des capes et épées. Post-apocalyptique, ça risque d'être un petit peu de je sais pas. Il faut s'attendre à quelque chose de... faut pas s'attendre, je pense, à la fameuse cape, à la fameuse épée. Probablement oui, hey, mais pis, sûrement métamorphosé. Z, c'était pas pour Zorro, hein, ça va peut-être être pour Zombie. Ouais, puis un drôle d'hasard qui s'est passé il y a deux semaines aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé de Justin Payne, qui lui se fait passer pour une ado de 13 ans pour chasser des pédophiles en leur donnant des rendez-vous. Puis là, c'est peut-être un hasard, mais Marc Latrémouille, il a sauté sur son iPhone puis il a annulé quelques rendez-vous. Je sais pas si on rappelle, Marc. Marc Latrémouille, il a annulé quelques... Ça a-tu rapport avec ce que j'avais dit ou non? On garde ça secret. OK. Bon, ben mon orgasme, maintenant. Mon orgasme, c'est assez fort. Un livre que j'ai dévoré avec passion. Columbine. Comment mon fils a-t-il pu tuer? Alors, on se rappelle tous de Columbine, le 20 avril 1999. Il y a eu la tuerie au lycée de Columbine. Il y a eu deux tireurs, une trentaine d'innocentes victimes, mortes ou blessées, sans compter toutes les pauvres familles détruites par le drame. Là, je vais parler un petit peu, j'écris quelque chose. Mais il y a aussi les parents de ces monstres. Sue Claybold est la mère de Dylan. Dylan, c'était le suicidaire du duo, alors que l'autre, Eric Harris, le psychopathe. Là, il y a juste quelque chose que je veux lire. C'est ça, les psychologues qui ont visionné... Il y a eu... qu'est-ce que c'est ça? Les deux... à un moment donné, j'avais parlé des couples des tueurs en série, hein, qui s'épousaient d'une certaine manière pour former l'énergie, finalement, que le tueur en série désirait avoir. Ben, c'est un peu la même chose ici. Eric Harris, qui était le psychopathe, lui, il comptait sur la colère dépressive que couvait Dylan pour alimenter et entretenir son propre sadisme, tandis que Dylan, le suicidaire, utilisait les pulsions destructrices d'Eric pour s'arracher à sa passivité. En tout cas, je vais y revenir. Sue Claybold, la mère, n'appellera jamais son enfant un monstre, quoique ça a été tentant à un certain moment. Elle ne cessera jamais d'aimer son fils qui était dans la vie familiale sans reproche. C'était vraiment, elle a vraiment rien vu, ce qu'on lui reproche à elle. Bon. Sans vouloir enlever quoi que ce soit aux familles des victimes, il faut savoir que les parents de Dylan ont vécu un véritable calvaire, ce qu'on lit dans le livre. On ne fait pas mention des parents d'Eric. Donc, tout commence au balbutiement de l'annonce radiophonique du drame. Des tireurs fous sont dans le lycée. Est-ce que Dylan est en danger? Se disent les parents. Eh bien non. Il massacre ses semblables dans ce qui deviendra la pire tuerie scolaire de l'histoire. C'est la descente aux enfers pour la mère. Elle priera pour que son fils adoré meure, pour qu'il arrête de tuer. Puis c'est la stupeur, la consternation proche du trauma cérébral, l'incompréhension, les révélations sur les vies secrètes de Dylan, la famille qui vont fuir les journalistes, la crainte des représailles, des menaces de mort... les funérailles de leur cher amour ils vont être secrètes et botchées. Il va y avoir des poursuites judiciaires. Juste une autre petite affaire aussi que je veux lire. L'état d'âme un peu dans lequel se trouvait la mère qui a beaucoup, beaucoup de misère à vivre son deuil dans toute cette mésaventure. Alors, j'ai écrit la page, mais j'ai pas dit où. En attendant que tu cherches, je vais parler d'un film de Gus Van Sant qui s'appelle Elephant. Ouais, j'ai vu. C'est ça. On dit pas explicitement que c'est Columbine, mais c'est vraiment, on pense cette histoire-là. Puis c'est vraiment très, très, très, très bien fait, assez subtil. Puis pour ceux, je dirais pas pour les morbides, là, mais je veux dire, pour ceux qui sont intéressés à voir comment ces jeunes-là pensaient, qu'est-ce que c'est pas pour tout le monde, hein, parce que la relation est spéciale. Aussi. C'est vrai, de la réalisation. Il y a du monde, il y a du monde qui vont s'emmerder. Moi, j'ai apprécié, mais bon, Gus Van Sant, c'est ça, il utilise quelque chose qui est pas nécessairement pour tout le monde. Gus Van Sant, c'est pas le réalisateur pédéraste, ça? Il aime ça filmer les petites culottes des adolescents. Tu te trompes pas avec Larry Clark? Oui, Larry Clark. Ouais, ouais, non. Gus Van Sant, non, c'est... ils sont plus chiés. C'est ça, il y a juste un... Fait qu'eux autres, c'est ça, décrit ici, nous étions des ombres, des fantômes de nous-mêmes qui se déplaçaient dans le crépuscule sans fin de la stupeur, de la honte et du chagrin. Nos journées se consumaient entre rendez-vous d'avocats et mesures paranoïaques visant à éviter les médias et toute personne susceptible de s'en prendre à nous. Je vais continuer ce que j'écris. Heureusement, il y avait également beaucoup de compassion, mais c'était un bien petit baume. Il y a aussi les vidéos du sous-sol qui ont presque poussé la mère à détester son fils. Les vidéos du sous-sol? Ouais, à un moment donné, les policiers ont dit, bon, ben là, c'est le temps de vous montrer quelque chose, chers parents, on a trouvé ceci. Donc, c'était les vidéos que les jeunes se filmaient dans le sous-sol d'Eric. Et là, la mère, elle a vu un garçon qu'elle n'a jamais vu. Elle a découvert une autre vie de son fils. Elle a essayé de comprendre, de connaître le vrai Dylan, le dépressif chronique, mais aussi, c'est ça, finalement, c'était un suicidaire. Puis dans le livre, elle parle beaucoup de ça aussi, comment voir les symptômes, même si dans certains cas, c'est carrément impossible. Seul, qu'est-ce qu'il faisait? Ah ben, ils montraient leurs armes, ils parlaient avec beaucoup de violence. Ça, c'est des vidéos qui sont pas disponibles, là. Mais ils parlaient de violence, ils disaient qu'est-ce qu'ils allaient faire, ils montraient leurs armes, des propos racistes, des propos haineux. Ils pouvaient même parler de sa famille, mais c'est ça qu'elle a vu. Dylan, il parlait pas vraiment de sa famille, parce que même en étant la personne, le tueur, il gardait un certain respect envers ses proches. C'est ça. Puis on découvre aussi là-dedans le profil de l'école au niveau du harcèlement, de l'intimidation. Tellement effrayant qu'après la tragédie, plusieurs élèves ont dit « Ce qui m'étonne, c'est que ça ne soit pas arrivé plus tôt. » Donc, puis souvent, les professeurs se colissaient de l'intimidation. Puis c'était les sportifs là, qui intimidaient. Puis des fois, il y avait les professeurs les laissaient aller. Comme le seul qui arrête pas d'intimider Peter Parker, là. Comment il s'appelle, donc? Spider-Man, Peter Parker. Non, mais il se fait tout le temps bolier, lui. OK, puis dernière petite chose que je voulais lire. Évidemment, j'ai... Dernier paragraphe, OK. Juste un petit instant. Ouais, mais non, ça. Moi, j'allais dire qu'il y a aussi un film comme dans Elephant, qui est celui de la mère là, qui a vécu le même genre de drame. Tu sais, comment s'appelle l'entraîneuse de Doctor Strange, là, l'Irlandaise là, qui ressemble à un homme-femme? C'est l'histoire d'une mère qui doit vivre son deuil parce que son fils a tué des gens. We need to talk about Kevin. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est le côté, c'est du côté de la mère. C'est ça, je... Ouais, moi, je l'avais lu. Moi, j'avais capté quelque chose dans le film que toi, t'avais pas capté. On n'avait pas réussi à mettre le doigt sur la même signification de pourquoi le fils était aussi haineux, pourquoi il s'en prenait autant à sa mère. Mais, je sais pas. Dis donc quelque chose. Quiz! Non. Oui, continue, non. Mais tu sais, moi, je crois que, moi, je fais partie de ceux qui, de l'école qui pensent que ces gens-là ne peuvent pas commettre ces crimes-là s'ils viennent pas d'une famille dysfonctionnelle. Moi, je crois que lui, il vient d'une famille dysfonctionnelle. Mais attends une minute. Est-ce qu'elle en parle? Mais attends une minute, ça revient à ce que j'avais dit il y a une couple de podcasts de ça. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est selon l'éducation? Tu t'en souviens? Oui. Mais tu parlais pas de tueur de masse, là. Non, mais en fait. C'était pas la même chose. Ouais, Tu parlais des jumeaux. Je parlais, oui, c'est ça, mais je parlais du comportement. Est-ce que c'est ça? Dans le livre, je pense pas qu'avec ce livre-là, elle veut s'excuser. Je pense qu'elle dit ses beaux côtés, ses mauvais côtés, mais elle explique qu'il y avait aucun côté dysfonctionnel dans la famille. D'après qu'elle décrit, c'était vraiment la petite famille parfaite. Elle voyait rien, il y avait de l'amour, il y avait de l'écoute, il y avait des caresses, du toucher. Des fois, elle en beurre un peu épais. Ben justement, mais, c'était toi qui faut prendre ça. Mais elle décrit aussi, elle parle beaucoup de Dylan, son fils, là, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme maladie. Elle parle pas juste de ce qui s'est passé à Columbine, elle parle aussi de toutes les recherches qu'elle a faites après, toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer pour parler justement de problèmes cérébraux, je sais pas trop. Mais lui, c'est ça, là. Mais quand tu dis ça en tant que parent, là, tu files un peu parano, là. Parce que, tu sais, T'as rien vu, elle a rien vu, ils ont rien vu les parents, ils ont rien vu pantoute. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que si Dylan n'avait pas rencontré Eric le psychopathe, Dylan se serait sûrement suicidé tout seul. Mais c'était quoi à cause de son côté suicidaire dépressif, c'était à cause de l'intimidation qu'il vivait à l'école? Je pense que c'était quelque chose qu'il avait dans le cerveau, sûrement. Je pense que c'est quelque chose déjà, il était même, à part comment qu'il était enfant, là, tu sais, tous les petits échecs le gossait. Il était super difficile avec lui-même. Il était timide. Fait que déjà là, il y avait de quoi. Puis, mais c'était la seule chose qu'elle pouvait voir. Mais c'est ça, une dernière phrase que je vais dire, que j'ai lu, que je trouvais bien aimé, que j'ai bien aimé entre guillemets, là, c'est que lui d'Hélène, il se dirigeait la fameuse journée du Columbine, il se dirigeait à Columbine pour se suicider et il s'en foutait de tuer des gens, alors que l'autre, il se dirigeait à Columbine pour tuer et il s'en foutait de mourir. Fait que c'était vraiment ces deux énergies totalement différentes, mais ensemble, ben, ils se sont trouvés, puis ça a malheureusement créé. Tu parles beaucoup de la mère, le père, il est où là-dedans? Le père, lui, il a pas vraiment voulu participer à ça. Ils ont divorcé. Ça doit. En parlant elle, en bien, sauf que il y a eu un fossé, un énorme fossé qui s'est fait entre les deux. Ça me fait penser à la tuerie qu'il y a eu à la Polytechnique de Montréal en 89, puis la mère de Marc Lépine, à un moment donné, je pense 30 ans après les événements, ouais. 25 ans après les événements, elle s'était fait interviewer par TVA, elle avait dit « ça va être la seule fois que je vais parler, après ça je vais retourner dans le silence », mais ça va être affreux être un parent d'un criminel. Je l'avais mentionné, moi, si je l'avais vu cette interview-là. Mais c'est horrible parce que toi, ton enfant, tu l'aimes encore. Ouais. Puis, sauf que là, toi-même, là, puisque ton enfant est mort, ben là, c'est toi qui es pointé du doigt. Tu dois te sentir coupable. Ben oui, puis tu te fais insulter, puis tu peux pas vivre ton deuil aussi. C'est ça qui est triste, tu peux pas vivre ton deuil normalement. Je me souviens qu'ils avaient interviewé également des parents des victimes de la Polytechnique, puis ils avaient dit, je n'en veux pas à la mère de Marc Lépine, mais pas du tout, mais c'est vraiment pas de sa faute. Là. Puis je crois que la plupart des parents des victimes, c'est ça qu'ils pensent aussi, là. Je pense pas qu'ils en veulent contre les parents. Là-dedans, oui. OK. Welcome to the USA, hein? Ouais. Mais on pourrait dire que c'est un 30-70%, mais tu sais, sur 10 lettres qu'elle recevait de personnes qui leur offraient leur compassion, ben, la seule lettre qu'elle pouvait lire de haine, ça la détruisait complètement, là. Tu sais, ça la jouait beaucoup, là. OK. Ben, je le conseille à tous, ce livre, même si c'est quand même assez percutant. Mon marasme, je vais faire ça très vite. Je trouve ça très triste de voir le nombre exagéré de logements qui n'acceptent pas les chiens. Donc, d'où vient ce problème? Les locataires qui ont eu un comportement imbécile avec leurs chiens ou bien ce sont les propriétaires qui sont trop matérialistes? C'est ça. L'ensemble des deux. Oui, là avec ça. OK. Hey, ben moi, je vais continuer dans le même thème. Avec mon quiz de la semaine. Yes. Ça va être les morts les plus drôles de l'histoire. Ah, cool. Oui. Cool. Je vais avoir un questionnaire, 7 questions avec des choix de réponses. Vous essayerez de répondre, puis je vais vous dire les vraies réponses. Mais là, on va commencer par une mort qui s'est passée il y a très longtemps, puis on va aller en chronologie de plus en plus récent. Comment est mort Eschyle? C'est un célèbre dramaturge grec. Bon, 1. Il glissa sur une flaque d'huile d'olive et se brisa la nuque en tombant. B. Il s'est fait fracasser le crâne par une tortue tombée du ciel. Ou C. Il s'est pris une mouette qui lui transperça l'œil gauche avec son bec. Oh, c'est bon. Moi, je pense qu'il y a une tortue qui est tombée du ciel. Exact. Bonne réponse. Maintenant, qui est mort à on la suite? On peut pas savoir. Mais attends, viens d'où cette tortue? Aucune idée. Même lui, je pense qu'il ne savait pas. Qui est mort à la suite d'une putréfaction de ses parties génitales? Est-ce Hérode le Grand, Ponce Pilate ou Adolf Hitler? Ponce Pilate. Hérode. C'est Hérode le Grand. Comment fut assassinée Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne et philosophe du 5e siècle? Elle a été lacérée par des coquilles d'huîtres tranchantes, a été lapidée avec du pain dur ou étouffée dans du fumier? Étouffée dans du fumier? Non. Les coquilles. C'est les coquilles. Oui, les coquilles d'huîtres tranchantes. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai entendu parler hier. De quoi sont morts ces deux rois de France, Louis III et Charles VIII? Ils sont morts de la gastro après avoir bu de l'eau trop fraîche. Ils se sont cognés au linteau de porte trop basse. Ou en renfornant leur épée, ils se sont percés la cuisse. Ah, si, je dirais celle-là. Les deux, même. Les deux en même temps? Pas en même temps, c'est la même mort. Si, ils sont morts en rentrant dans un cadre de porte, ils rentrent vite dans les portes, eux autres. C'est exactement ça, la réponse. Voyons donc, Masti, ils sont défoncés. Ils courent quand ils rentrent dans les portes. Pas. Ils sont défoncés le crâne. C'est un peu comme toi dans le film C'est en revenant de la mort. Ouais, avec le parapluie. T'es mort de même, toi aussi. T'as cogné la tête, ben oui. Ben oui, tu t'es rentré la tête. Tu t'as dit, hey, mes bouts de Christ, que c'est vous faites là. Puis là, tu t'es... Oui, c'est vrai. Potagne, okay. On entend même le crâne cassé. En 1478, Georges, duc de Clarence, est condamné à la peine capitale. Quelle mort choisit-il? Est-ce qu'il a choisi d'être décapité après un dernier orgasme, noyé dans une barrique de vin de Malvoisie, ou bien pendu par de la saucisse? Orgasme! Non. Il est tombé, tata. La saucisse? Non, c'est noyé dans une barrique de vin. N'importe quoi. OK, le 9e président des États-Unis, William Harrison, est mort d'une pneumonie un mois après son investiture. Comment l'a-t-il attrapé, sa pneumonie? Est-ce qu'il tomba dans une mare en plein hiver? Il fit son discours d'investiture sous une pluie glaciale ou lors d'une randonnée en raquette à Aspen? Ah, moi, je dis l'investiture sous une pluie glaciale. C'est ça! Ça l'a tué! C'est une loser! Qui reste de loser? Ils devraient tous mourir demain, investi. Et maintenant, en 1996, Gary Hoy, un avocat de Toronto, se tua en voulant prouver quelque chose. Mais quoi? Qu'un lion est facilement domptable? Que le teaser n'est pas mortel? Ou que les vitres du Toronto Dominion Center sont incassables. Les vitres? Oui! Ouais, j'en ai entendu parler. T'as entendu parler? Ouais, parce que c'est dans les Darwin Awards. Et voilà! C'est les prix Darwin que je veux vous parler. Mais c'est quoi ça, le teaser n'est pas, mortel? Tu sais, les décharges électriques. Ah, là, OK. Pour ceux qui ne savent pas. Je pensais que je veux dire le teaser, genre trailer, là, de film. Le teaser. C'est pas un teaser. J'avais raison, mais... Bon, vous savez c'est quoi les prix Darwin? Tu le sais-tu, Christian? Si vous le savez pas, je vais vous l'expliquer. Ben, viens de le faire. Ça a-tu rapport avec la tortue qui tombe du ciel, Darwin? Charles Darwin, c'est celui que... Charles Darwin, c'est celui que... La théorie de l'évolution. Ah oui, théorie de l'évolution, le plus fort sur le plus faible, que l'homme et le singe descendent de la même origine. Les îles Galapagos. Moi. Puis, donc, on a décerné en 1996, on a créé les prix Darwin en 93. Ce sont des récompenses qui sont décernées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de la part de ceux qui sont morts ou ceux qui ont été stérilisés et sont ainsi remerciés d'avoir contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain, c'est-à-dire que les plus intelligents restent en vie, les plus stupides morts. Ouais, mais là, c'est pas insultant pour la famille, ça. Oui. Mais Gary Hoy, je vais t'expliquer son histoire. Lui, je pense qu'il est au 23e étage, sa firme d'avocat, est au 23e étage du Toronto Dominion Center, puis il testait souvent les vitres du Toronto Dominion, il se lançait contre la vitre en disant, regardez comment c'est solide, ça casse pas. Puis pendant un party, justement, c'était des stagiaires qui venaient dans le party un vendredi soir, il a dit, regardez, je vais vous prouver que les vitres sont incassables. Il s'est pitché contre la vitre. Elle était pas ouverte. Ben en fait moi ce que j'ai lu c'est que la vitre a pas cassé, c'est le cadre qui a cédé. Il est tombé. Il prenait tout le temps la même fenêtre, t'as demandé le cadre a cédé. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement intéressant les prix Darwin que je pense la semaine prochaine je vais faire un top 10 des prix Darwin. Ouais, non c'est génial. Ben, c'est génial. Tu vas faire ça tout seul parce que la semaine prochaine il y a rien. C'est vrai, t'es dans le sud mon sale. Non mais tu vas savoir anyway, c'est à chaque deux semaines. Non, tu vas passer. Ouais. Ça a coûté combien ton voyage? 2000 kicks à peu près. Ouais, pour toi tout seul ou pour les deux? Pour moi tout seul. Ah, wow. 4000 pour les mais deux. Mais en parlant de cadavres. Oui, c'est aussi c'est dans le temps de saluer, saluer. C'est le temps de saluer nos macabres coin. Donc, toujours un petit salut bien bas à deux personnes publiques qui sont décédées. Marc Latremoille aime bien quand je fais le plus vieux et le plus jeune. Mon frère n'aime pas cette chronique et je l'emmerde. Alors, nous allons avec la plus vieille, Eliane Victor, journaliste française morte à 98 ans le 7 mars. Elle, c'est une journaliste qui a apporté à la télévision française une touche féministe sans militantisme en accompagnant le mouvement des femmes nées dans les années 1960. En 1978, elle accepte de prendre la direction du magazine féminin Elle et le fait évoluer en abordant des sujets d'actualité qui peuvent concerner les femmes. Mais elle prend des initiatives qui déplaisent à certains, comme remplacer de temps en temps les mannequins des couvertures par des hommes emblématiques comme Yves Montand, et aussi elle décide de supprimer l'horoscope. Tant mieux, c'est une bonne idée. je lève mon chapeau à ça, supprime l'horoscope, c'est ça, c'est cave! Ouais, sauf que l'horoscope se trouve encore dans elle, c'est ça qui est weird. Non, non, mais je sais, puis on, ouais. Ben, il y a quelqu'un qui... Ben, c'est la dernière page d'elle. Quand elle a été remplacée, ça veut dire que quelqu'un l'a ramené. Non, parce que t'as Elle Québec, t'as Elle France, t'as plusieurs types de Elle. Puis comment ça, tu sais que l'horoscope dans Elle, tu lis, ça va? Parce que Delphes, elle a déjà porté des Elle Paris, donc des Elle de la France, quand elle va prendre l'avion. L'avion, elle l'a... Puis il y avait encore l'horoscope. Puis il y a les horoscopes, moi j'ai lu, puis je trouve ça bien drôle. Ouais, ouais. comme d'habitude, je vais juste faire un petit pont avec notre thème d'aujourd'hui, pour toujours... Faut pas oublier, là, faut garder l'œil ouvert, là, peut-être que Mesmer va apparaître. Donc en 1970, le film Melinda avec Barbara Streisand et Yves Montand. Je viens juste de parler d'Yves Montand. Ben Yves Montand dans ce film, qu'est-ce qu'il fait? Ben il joue un psychiatre qui utilise l'hypnose. Mais c'est quoi le rapport avec la Maccabée là? Celle qui est morte? Ouais, j'ai comme perdu un mot. J'étais comme regardez, comme j'ai dit, je vais répéter, elle a déjà fait des choses comme... elle a déjà mis des hommes sur les couvertures, dont un jour, elle a mis Yves Montand. Et là, c'est là le lien, OK. Là, Yves Montand, il a déjà joué un psychiatre qui utilise hypnose dans un film. Okay, wow. Il a joué avec elle dans un film? Même pas. Barbara Streisand. C'est stretché pas mal, ouais. Là. Ouais, mais l'autre, vous allez voir, il est bon. Mon autre pont avec l'autre cadavre, là, il est mort. Alors, le jeune homme Tony Delisle... Attends, elle avait quel âge, elle? 98 ans. OK. Maintenant, le plus jeune homme Tony Delisle... Quel âge? Est un pilote français. Était un pilote français de moto de vitesse et d'endurance. Uh-huh. Il est mort le 9 mars 2017 à 35 ans, lors d'essais privés sur le circuit de Nogaro. C'est toujours des sportifs, hein? Toujours. C'est fou, hein? Ah, mais attends, je vais vous en trouver, moi, si je commence à chercher. Puis là, mon rapport avec l'hypnose, là, je sais pas si mes calculs sont exacts, mais Anthony et puis hypnose comportent le même nombre de lettres, 7. Faites le calcul chez vous à la maison, là. Prenez une calculatrice rapidement, Anthony et hypnose, 7 lettres chaque mot. C'est quoi la toune de X-Files? Vous ferez ça. C'était nos Maccabées, on vous salue! Est-ce qu'on passe tout de suite à la chronique culturelle ou vous avez quelque chose à dire? C'est la chronique culturelle, la chronique culturelle. Et aujourd'hui, c'est juste un bijou. Oh! Pas de merde. Le bijou. Avez-vous entendu parler du film Get Out? Non. Même pas, t'habites tout, toi, ça lune? Non, assez loin, ouais, j'ai assez cru. Ok, parle-nous de toi un peu. Non, mais... Ben moi, pendant tout l'hiver, ma rue est jamais déneigée, toujours ça a neige. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourquoi t'aimes pas l'hiver? Ouais, on a eu l'électricité il y a 3 ans seulement. Ah, quoi? Ok. L'internet, ça rend-tu? Il se rend, mais juste au stop. Oui, c'est ça. Ouais, faut que le Wi-Fi se rend juste... faut qu'il sorte de chez lui. Non, mais j'ai pensé à ça tantôt. Dans le film Get Out, il y a une scène d'hypnotisme, puis c'est une scène très importante dans le film. Qui est-ce que tu disais, le rapport. Black ou... Oui, ben je vais rapidement parler du film. Non, est-ce que tu vas voir le film? Oui! Non, mais ça, je vais te l'expliquer. Ah, okay. Je vais te le dire. Donc, Get Out, c'est de l'horreur, mais aussi, on peut dire même une comédie d'horreur. C'est le comédien Daniel Kaluuya, qu'on connaît pas pantoute, qui joue le rôle du héros noir et qui est Daniel Kaluuya lui-même noir. Fort heureusement, car il y aurait un scandale de blackface. Bon, on y retrouve aussi l'excellente Catherine Keener, que j'avais découvert dans Being John Malkovich. C'est un noir qui joue le rôle d'un noir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tant mieux, parce que c'est ça. Ça a été réalisé par Jordan Peele, un autre noir, surtout connu pour jouer les comiques. Et le film est aussi produit par Jason Blum, que moi j'adore. C'est même un véritable cadeau du ciel pour le cinéma d'horreur. Je vais en parler un peu tantôt après. Ah, oh, ben ça, c'était cool. Ben c'est ça, j'en parle un peu tantôt. Toi et ta gueule. Alors, voici le pitch du film. Couple mixte. Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille Missy et Dean lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Donc, le noir va rencontrer sa belle famille blanche. Chris commence par penser que l'atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite, une série d'incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable. Alors, c'est une belle petite surprise. C'est un petit peu un mélange de Stepford Wives, dans lequel les femmes étaient transformées en êtres parfaits pour combler leur mari. Mais ici, c'est avec plus un contexte racial. Il y a un racisme, justement, paradoxal, parce que oui, le noir a aucune considération, il est pas considéré comme un humain, mais son corps est adulé, voire idolâtré. Bref, largement supérieur à celui du blanc. T'es-tu en train de spoiler, toi, là? Non, non, non, c'est quelque chose qui vient quand même assez vite. Peut-être un spoil, mais pas tant que ça part. Donc, c'est ça, c'est quand même un concept qui s'éloigne du racisme quand l'autre est considéré supérieur, mais il y a, justement, il y a aucune considération humaine, fait que c'est là qu'on, évidemment, qu'on peut voir que la dissociation. Les productions Blumhouse, moi, je suis vraiment heureux de cette maison de production. C'est ça continue encore sur leur lancée avec des films de petit budget. Et quand on passe à travers leur filmographie, il y a très peu de remakes et de sequels, ce qui est très original. Lui, ce qu'il fait, Jason Blum, il donne un petit montant, puis il va dire « Faites donc ce que vous voulez avec ce montant-là. » Il y a les artisans, les créateurs, ils n'ont pas beaucoup de bâtons dans les roues. Mais le budget est très peu élevé. Premier exemple, Paranormal Activity, qui a été faite avec 15 000 $, puis il a remporté... C'était bon, ça. Il a 15 millions de $, puis il a remporté 193. Peut-être, c'est pas millions. Pourquoi ça a coûté 15 millions, ben, ce d'abord, celle-là? C'est 15 000, d'abord. Ouais, ça a plus d'allure. 15 000, puis ça a remporté 193 millions. Get Out, lui, pour l'instant, 4,5 millions que ça a coûté, puis à date, ils sont rendus à 111 millions. J'ai vu l'annonce, puis je pense que dans le 4,5 millions, c'est surtout sa promotion, là, parce que je la voyais souvent. Le trailer est très bien fait. Oui. Le trailer crée une intrigue, ça questionne beaucoup la personne qui a le trailer, genre, what the fuck? Oui. C'est un trailer, what the fuck, est bien fait. Ouais. Rapidement, je vais passer à travers les films qui m'ont intéressé dans la maison Blumhouse. Paranormal Activity, Insidious, Sinister, The Bay, Dark Skies, The Lords of Salem, de Rob Zombie. The Purge, Oculus, que j'ai adoré, Ouija, mais le remake, pas le remake, mais... Le prequel. Le 2, le sequel. Le prequel, ça se passe avant le 1. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Unfriended, ça vient de lui, Creep aussi, Sinister, comme j'ai dit, The Visit, les derniers, Night Shyamalan, The Visit, puis Split, ça a été fait aussi, produit par la maison Blum! Ok, ben il n'a pas juste fait des dos. Non. Il n'a pas juste produit des dopes, vous dire. Non. Fait que c'est ça. Get Out, le film. Puis ouais, j'espère que j'ai pas spoilé. Je pense pas. De toute façon, avec le trailer, on voit que le noir, justement, il est pas là pour être... genre salué chaleureusement. Puis genre merci d'être venu. Bye. Oui, moi, mon bijou de ce film, là, je sais que c'est pas prévu, mais j'en fais un pareil. Ben moi, c'est Skull Island, Kong Skull Island. J'ai bien aimé ça, ouais. J'ai entendu des critiques mitigées, ouais. Ceux qui aiment les films de monstres, là, tu sais, les films de monstres où tu laisses ton cerveau à l'entrée, t'as un gros popcorn, puis tu tripes ces films de Godzilla, là, tu vas bien aimer ça. Les scénarios, on s'en calisse. Les acteurs, on s'en calisse. Non. Si tu vas voir des monstres qui se battent, ben, c'est le film à voir. Sais-tu, j'ai vu le teaser. J'ai vu le teaser sur l'ordi. Non, c'est moi, on va-tu dire, cette affaire-là, là, mon cellulaire. iPhone. Ouais. Première fois, puis je faisais, ça allait être plat. Mais après ça, j'ai regardé le teaser sur un écran beaucoup plus gros, puis là, je faisais, ça allait être plus intéressant, là. Mais moi, je trouve ça plate que tu dises que les comédiens, les personnages, on s'en crisse, parce que la brochette, là, John Goodman, Brie Larson, ouais. John C. Reilly, puis l'autre, tu sais, qui joue le frère de Thor, là, qui est un très bon comédien, mais ouais. C'est plate. Non, mais on s'en crisse dans le sens que les fans de films de monstres, c'est les monstres qui vont voir. Moi, quand je vais voir un Friday the 13th, c'est Jason que je vais voir. Mais c'est pas comparable à Transformers? Non, pas pantoute. Au contraire, le film se prend pas au sérieux. Le film se passe dans un contexte beaucoup guerre du Vietnam. Donc, il y a une couleur guerre du Vietnam, il y a une musique guerre du Vietnam, il y a un setting, des costumes guerre du Vietnam, ce qui rend le film particulier. Puis King Kong, là-dedans, il est fucking big. Mais il mesure 30 mètres. Il est plus gros que normalement. Ah oui, il est immense. C'est un kaiju. Puis ça, c'est le retour des kaijus, parce que la scène à la fin, sans la compter, la scène cachée, parce qu'il y a une scène cachée à la fin du générique, c'est pour annoncer non pas une suite, une franchise la préparation de Godzilla vs King Kong. Fait que là, vs Kong. Ouais, fait que je l'attends avec beaucoup d'impatience, parce que moi, les kaijus, je trippe là-dessus. Non, ils savaient déjà. C'est quoi un kaiju? Kaiju, c'est un terme que les Japonais utilisent pour déterminer le terme monstre massif immense, méga gros, là, qui détruit des villes en marchant ses édifices. Mais comme je t'ai dit, comme j'ai demandé, y a-tu de l'humour là-dedans? Oui, un petit peu de mots. Ouais. Ça, je te dis, ça, ouais, ça se prend pas au sérieux. Peu, ouais. Ça se prend pas au sérieux, puis c'est surtout un film de monstres. Parce qu'il y a beaucoup de monstres dans le film. Il y a toutes sortes de monstres. Moi, j'avais bien aimé le King Kong de Peter Jackson. Peter Jackson. Ah, c'est là, vraiment, c'est ça. Pas toute la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Le Kong est vraiment le personnage principal, puis on, ça tourne surtout autour de lui. Moi, celui de Peter Jackson, je l'avais détesté. Pourquoi? Je l'avais trouvé, on va dire, ben oui, mais c'est ça le but. Je l'avais trouvé trop cruel envers King Kong. Le personnage de Jack Black, non, j'étais pas capable, ça m'a frustré. Puis je le prenais trop en pitié, le King Kong, fait que c'est, je sais pas, j'étais tendu tout le long du film, puis je pense pas que le film King Kong, ça devrait créer ça chez les spectateurs. En tout cas, j'ai trop j'ai été... J'ai pas vu le film, est-ce qu'il se rend jusqu'à New York dans ce film-là? Ben oui, oui. Peter Jackson? Ouais. Oh, oui, oui. Okay, à un moment donné, il est même à Central Park, puis il glisse sa patinoire du Central Park, puis je trouvais ça un petit moment touchant, ça. Ah oui, oui, oui, oui, c'est ça, oui, c'est... Okay, ouais. C'est ouais, ça, c'est cute quand il était tout gentil. Ah ouais, c'était touchant, ça. Mais il est pas grand dans celle-là. Hein? Non, ben c'est ça, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Non, il fait 10 fois la hauteur. Bon, ben là, ça fait 1 heure et quelques. Mon frère a roté, Marc Latremoille, il aime pas ça. Ben non, mais ça va être sur bien du monde sur RZO, sur les rotes. Ouais. fait qu'avant de vous laisser à ce monde pourri, on veut toujours vous laisser sur une bonne nouvelle. Fait que Marc Latremoille, il va prendre un petit 5 secondes pour googler. Google. Puis il s'en va dans l'actualité. Bon, la bonne nouvelle. OK. Actualité, voilà. Bonne nouvelle, les rapports sexuels améliorent la productivité au travail. Oui, c'est vrai. Nombreux sont ceux qui conçoivent les relations sexuelles comme une activité primaire source d'épuisement. Pour certains couples, elle est presque uniquement faite pour la reproduction. Pour d'autres, c'est un vice dont l'accomplissement consiste essentiellement à un plaisir éphémère. Aujourd'hui, il est démontré que la relation sexuelle exerce une influence importante sur la vie professionnelle. Que t'en penses, toi? Vous êtes en érection. Mais je bande!